Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous allez nous raconter que vous avez rêvé de lignes roses. Mais oui, pas de papa, pas de maman dans mes rêves, Chloé, pas de scène toute nue au milieu d'une assemblée médusée, pas de saut dans le vide, rien de tout ça dans ma tête, juste des lignes roses. Les séances de psy doivent être vraiment prévisibles depuis l'arrivée des autotests et leur apparition de lignes roses. Une ou deux, vous savez, ces lignes sur donc les autotests C ou T qui nous disent si nous sommes négatifs ou positifs, sonnant tel le glas de l'abattement ou de la libération, certes momentanée. Qui l'aurait cru après la ligne rouge ou la ligne jaune de stationnement, après la ligne 13 ou celle à sniffer, voici donc la ligne rose qu'on s'échange par photo, message ou réseau, gaieté, chronomètre à l'appui et boulot au ventre, entend l'imagerie psychique et quotidienne. La mode 2021-2022 en somme. Une sorte de passe redoublée que l'on brandit au cas où, un diplôme que l'on se félicite d'avoir obtenu d'un simple coup d'écouvillon. D'une certaine manière, on n'aura jamais autant regardé, contemplé, espéré, traqué les lignes, faisant résider dans ce simple trait sans ampleur l'ampleur de notre avenir proche. Alors, d'où votre envie débordante de faire ce matin une philosophie de la ligne? Plus que jamais, Chloé, ce qu'on peut d'emblée noter avec la ligne, c'est qu'elle ne déroge jamais à elle-même. La ligne, c'est la ligne, on en a une, on la suit, on la garde. Et à moins de lire entre les lignes ou de les faire bouger, la ligne est ce trait sans largeur ni profondeur, se devant d'être une, simple et claire, au risque d'être brouillée ou franchie. En cela, la ligne, toujours en première ligne, a quelque chose de tragique. Sa dimension linéaire et implacable, telle la ligne du temps, sauf si vous pensez, Chloé, que le temps est cyclique, fait qu'on n'y échappe pas. C'est sa force d'ailleurs, qu'on tente de la tordre ou qu'on s'y colle, nul n'est censé ignorer la ligne. Droite ou courbe, elle ne trace pas seulement la voie, elle évalue, elle exclut, elle discrimine. Et là, c'est à Platon qu'on pense dans la République avec son analogie de la ligne. Prends donc une ligne coupée en deux segments inégaux, l'un représentant le genre visible, l'autre le genre intelligible, et coupe de nouveau chaque segment suivant la même proportion. Tu auras alors... Et tu auras alors, nous dit Platon, je résume parce qu'en fait c'est assez long, eh bien le classement des connaissances de la moins fiable à la plus claire, soit opinion, croyance, connaissance, pour le dire vite. Autrement dit, et c'est frappant ici, le paradoxe de la ligne n'est pas seulement que sa non-profondeur imprègne nos vies pourtant profondes, mais qu'elle soit à la fois le signe de la continuité et de la hiérarchie stricte. Mais revenez, Géraldine, à vos petites lignes roses d'autotest qui nous fascinent. Justement, une fois qu'on a dit ça, que la ligne est plate mais qu'elle informe nos existences, qu'elle est infinie tout en marquant des limites et des ruptures, qu'on s'est agacé, énervé, tout en admettant que bon, bah oui, bah tout ne tient qu'à une ligne bête et pas méchante qu'on doit s'y soumettre, où est le problème? Ah ben voilà, aucun. La ligne ne pose aucun problème, c'est d'ailleurs justement son problème, on ne bataille jamais avec une ligne, on ne peut rien lui dire, c'est l'incarnation de la règle qui nous tombe dessus, qui se rappelle à nous et de laquelle on s'accommode. Alors certes, on peut la transgresser, la contourner, mais c'est encore par rapport à elle que vous agirez et vous serez au pire un pervers, au pire un hors-la-loi, car il n'y a jamais de au mieux suivant le trait d'une ligne. Et une ligne en remplacera une autre, une autre limite, etc., etc. C'est même bizarre qu'il ait fallu l'arrivée des autotests et de leurs petites lignes roses pour qu'on se figure aussi bien l'importance des lignes à suivre dans nos vies et à quel point le Covid n'a rien déréglé, mais bien révélé la règle.